Pour moi, trier, c'est donner une nouvelle vie à mes bouteilles. Je trie, ça se renouvelle. On est dans cette logique de protéger la planète pour nos enfants. Quand je vois les dégâts qu'on est en train de faire, en tout cas, moi, je le verrai certainement pas, mais mes filles, oui. Ça peut paraître un petit geste, un petit effort, mais trier, c'est donner conscience aux autres qu'on a tous une responsabilité. Trier, c'est donner du répit aux ressources de la planète. Oui, trier, c'est donner. Comme Mathieu, Patrick et Darren, rejoignez le mouvement sur trierc'estdonner.fr, une initiative de Citeo. La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Le philosophe Michel Serres a donc tiré sa révérence ce week-end à l'âge de 88 ans. Les hommages ont été immenses depuis samedi et il montre à quel point la voix et la pensée de Michel Serres ont été importantes pour nous tous. Philosophe, écrivain, historien des sciences, il a été avec son chaleureux accent rocailleux un formidable conteur pour nous raconter l'immensité du monde autant que sa beauté. Il est venu à plusieurs reprises au micro de la tête au carré et ses interventions nous ont toujours marqués à la fois par leur vitalité et par leur profondeur extrême. Nous lui rendons hommage cet après-midi avec justement des extraits d'émissions recueillis au fil du temps dans lesquels il nous parlait d'astronomie, d'environnement et de la dimension philosophique de la vision, la voix de Michel Serres, donc dans un instant. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. La une de la science qui lui sera également consacrée aujourd'hui. Oui Mathieu, le passeur, comme il définissait lui-même les philosophes, est passé. On revient sur sa carrière d'auteur avec son éditrice et amie Sophie Bancard. Et c'est Frédéric Milano qui réalise aujourd'hui cette tête au carré. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Et à 14h06, c'est donc le moment de retrouver la une de la science. J'étais scientifique d'origine. Et donc, la génération qui m'a précédé et la mienne ont été très, très bousculées, bouleversées par Hiroshima pour une raison très simple. C'est que nous tous, la génération en question et la mienne, étions les enfants des Lumières, les enfants d'un certain scientisme, et nous pensions que la science était toute bonne et seule bonne. Du progrès pour le bien. C'était le progrès pour le bien, pour le confort, pour la santé, etc. Pour les réussites de tous ordres. Et tout d'un coup, le programme de Manhattan Project, et puis Little Boy, la bombe qui explose à Hiroshima et qui réexplose à Nagasaki. Et là, il y a eu une crise de conscience gigantesque. Et je connais même des physiciens qui ont quitté la physique et qui ont fait de la biochimie. Et beaucoup de progrès de biochimie ont été le fait de physiciens qui avaient quitté leur métier. Donc, une crise de conscience formidable. Et quand on me demande pourquoi je suis philosophe, je réponds volontiers que je suis l'enfant d'Hiroshima. Voilà, Michel Serres, c'était en 2016 sur KTO TV. Sa voix à l'instant, qu'on va entendre abondamment dans un instant. Et puis celle d'une éditrice et d'une amie, Axel Villard, aujourd'hui à la une de la science, qui a beaucoup travaillé avec Michel Serres. Oui, Mathieu, Michel Serres était un auteur touche-à-tout, un voyageur. Jamais il ne s'éloignait pourtant des résultats scientifiques. Ses ouvrages sont des références en histoire des sciences, en philosophie des sciences, en épistémologie. Et pour quelques minutes d'hommage à son œuvre, à sa pensée, nous sommes à la une de la science avec vous, Sophie Bancard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice des éditions Le Pommier, éditrice de Michel Serres et également présidente de l'association Science pour tous. Alors, dimanche 26 mai dernier, Michel Serres était sur notre antenne au micro d'Ali Rebeilly, 6 jours plus tard. Alibadou. Alibadou, oui, bien sûr. Et 6 jours plus tard, il est parti. Pour vous aussi, tout a été soudain. Ah oui, très très soudain. Même si on s'y préparait quand même depuis un an, mais ça a été extrêmement soudain. Comment on fait? On se console en lisant ces mots? Exactement. Oui. C'est ce que j'ai fait samedi soir en rentrant de l'hôpital. J'ai ouvert le prochain livre qu'il m'avait envoyé la veille et j'ai commencé à le lire et j'ai entendu sa voix. Parce que quand on lit Michel Serres, c'est vraiment quelque chose que je voudrais dire. Il faut le lire tout haut et il faut le lire avec l'accent dans l'oreille, c'est mieux. Mais surtout, il faut le lire tout haut parce que il a su écrire pour le très grand public, mais il a aussi écrit des livres qui sont plus difficiles. Et pour lire ces livres difficiles, il suffit de les lire tout haut. Tout d'un coup, tout prend sa place. Il faut respirer en le lisant et le lire avec joie et avec l'accent. Ce dernier livre, il va sortir quand exactement? Je ne sais pas encore. Il parlera de quoi? Il parlera de religion. Alors, mais je n'en dirai pas plus. Depuis samedi soir, les hommages, on l'a vu partout, qui lui sont rendus dans les médias, sur les réseaux, dans la presse, dépassent largement le cadre des penseurs, des scientifiques ou des philosophes. Ça dit beaucoup de lui. Oui, je pense que c'était quelqu'un... Vous savez, il disait qu'un philosophe était quelqu'un qui devait faire trois voyages, trois tours du monde. Le premier qui était le vrai tour du monde, c'est-à-dire aller voir la Terre dans tous ses replis. Le deuxième qui était celui des humains. Et il a toujours voulu aller voir tous les humains. Il a connu tous les gens possibles et imaginables, de tous les pays, de tous les niveaux sociaux, de toutes les formations. Et il aimait tout le monde, il s'intéressait à tout le monde. Et le troisième, bien sûr, tour du monde, c'était celui des savoirs. Et ça, c'est fondamental, puisqu'en fait, c'est quelqu'un qui a voulu vraiment, comme le disait Cédric Villani, faire des ponts entre la science et les sciences humaines, entre tous les savoirs, parce qu'aussi entre la littérature, la musique. La musique a inspiré un de ses livres, mais elle a inspiré tous ses livres. Et c'est vraiment quelqu'un qui, vous disiez, touche à tout, mais dans le sens le plus merveilleux du terme. C'est-à-dire, il a tout approfondi. Il a voulu aller partout. Et il pensait que seulement en allant partout, il pourrait avoir une idée pour comprendre le monde en train de se faire. Alors, depuis 1986, vous le suivez dans ses écrits. Comment l'avez-vous rencontré et quel auteur est-ce qu'il était? Pourquoi est-ce qu'il a été attiré, vous avez été attiré par lui? Alors moi, j'étais une petite étudiante au départ. Je l'ai découvert avec Foucault à Vincennes et j'étais émerveillée. Puis je suis devenue éditrice. Et puis un jour, je l'ai vu chez Pivot et je me suis dit, cet homme, il faut que je le rencontre. J'ai pris mon téléphone et il m'a accueilli. Voilà. Et on a fait le premier livre qui s'appelait Les éléments d'histoire des sciences et qui reste un livre aujourd'hui tout à fait extraordinaire. Mais vous avez créé les éditions du Pommier ensemble? Alors, mais c'est longtemps après. Oui, oui. Dans un premier temps, donc, je l'ai donc fait ce livre avec lui chez Bordas. Puis il m'a dit, viens chez Flammarion, on sera mieux. Ouais. Et donc, on est allé chez Flammarion. On a développé on a par exemple la collection Domino, la collection de la légende. Vous avez vu la légende des anges qu'il a écrite, qui est absolument un livre magnifique, qu'on a repris au Pommier d'ailleurs. Et puis, au bout d'un certain temps, il m'avait fait connaître énormément de scientifiques dont j'ai découvert une des qualités délicieuses, à savoir que ce sont des gens qui n'ont pas de nombril. Et Michel, lui, était aussi un philosophe sans nombril. Donc, c'était vraiment très, très agréable. J'avais connu d'autres auteurs qui n'étaient avec nombril. Et j'ai vraiment apprécié la différence. Et du coup... Voilà, on avait inventé une façon de transmettre le savoir scientifique et philosophique, et on a eu envie d'avoir une marque. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de faire le Pommier, et voilà, le Pommier est né en 98. Et de manière générale, les scientifiques sont souvent sans nombril, et Michel Serres s'appuyait beaucoup sur leurs résultats, il avait foi en la science. Oui. Comment est-ce qu'il réagissait à la perte de confiance, d'écoute des scientifiques de plus en plus? Alors, ça prend la suite de l'extrait que vous avez passé tout à l'heure, c'est-à-dire que la science toute bonne et seule bonne est évidemment aujourd'hui mise en question. Il était très inquiet de la perte de confiance dans les experts. Il disait, dans son dernier livre d'ailleurs, dans Les morales espiègles, il en parle bien, il dit que... bien sûr, il faut être expiègle, bien sûr, il faut être impertinent, il faut remettre en cause, et les scientifiques le font d'ailleurs, ils passent leur vie à tout remettre en cause systématiquement, mais que quand on arrive devant le dur, c'est-à-dire devant l'expérience, le résultat de l'expérience, ce qui est prouvé par des études, là il faut s'arrêter, là il faut arrêter de tricher. Il utilisait ce mot-là. Et c'était très fort pour lui. Il ne faut pas tricher. Quand on est devant le dur, il ne faut pas tricher. Et donc, il était très malheureux de voir... l'importance que les bobards, comme il disait, pour remplacer les fake news, parce qu'il n'aimait pas le globish. Donc, il disait, les bobards aujourd'hui sont vraiment très dangereux. Et il faut réhabiliter les experts. Il a continué à analyser le monde et ses transformations, même pour des choses qui, pour quelqu'un de 88 ans, peuvent paraître éloignées. La nouvelle technologie, Twitter, il avait aussi un mot pour Twitter. Est-ce qu'on vous le sentez, il arrivait à suivre encore? C'était extraordinaire. Il suivait tout le temps. Alors Twitter, pour lui, c'était le gazouille. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est la traduction exacte du mot Twitter. Mmh. Et il parlait toujours des bobards sur gazouille. Bon, c'était une jolie façon de dire les choses. Il n'a jamais perdu le fil. Il a toujours voulu savoir, comprendre ce qui est en train de se passer. Et bon, il a fait des études de philo, mais il avait fait des études scientifiques, il a fait des études de physique, de maths, et il lui manquait la biologie. Il y a quelques années, il a fait des études de biologie. Il voulait tout savoir, il voulait tout comprendre, et il avait besoin de toutes les sciences. Sophie Boncar, l'émotion des Français, on l'a vu hein, depuis samedi, c'est assez étonnant. Est-ce que ça vous a surpris vous-même hein, de voir toutes ces manifestations d'affection envers lui ? Alors, oui et non, parce qu'en même temps, j'ai toujours, en le suivant, en l'accompagnant partout, j'avais vu à quel point il touchait le public. Mais en même temps, la dimension de ses hommages m'a quand même beaucoup touchée. Elle m'a vraiment fait plaisir. Et ses obsèques auront lieu samedi à Agen, oui, à la cathédrale. À 15h. À 15h, voilà, pour ceux qui sont dans la région, il y aura d'autres hommages un peu partout en France. Il y aura d'autres hommages après, notamment à Paris. Merci beaucoup Sophie Boncar d'être venue nous parler de votre ami Michel Serres. Merci Axel, on se retrouve demain. Et puis dans un instant, nous entendons bien sûr, jusqu'à la fin de cette Tête au Carré, la voix de Michel Serres qui est venue à de nombreuses reprises dans l'émission. Terre, un homme pouvait être blanc ou noir, jaune ou rouge, et puis c'est tout. Mais une autre race est en train d'apparaître. C'est les azous, c'est les azous. Un vocal qui monte jusqu'aux amygdales, avec un veston qui descend jusqu'aux genoux, les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale. Voilà les azous, voilà les azous. Il y a des azous dans mon quartier. Moi je le suis déjà à moitié. À votre tour, âme de séjour. Vous serez tous azous comme nous, car le zazou c'est contagieux. Ça commence par un tremblement qui vous prend soudain brusquement. Et puis on pousse des hurlements. Si vous rencontrez un jour sur votre passage un particulier coiffé d'un fromage mou, tenant dans ses doigts un poisson dans une cage, c'est un zazou, c'est un zazou. Si votre épicier vous dit j'ai de gruyère, mais malheureusement il ne reste que les trous, ne supposez pas qu'il fût de la cafetière. Et les azous, et les azous, y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. À son futur genre avant-hier, ma concierge disait, voyez-vous, ma fille est un bijou. Elle est encore mieux que si elle était vierge. Elle est azou, elle est azou. Et en prenant le train, j'ai vu le chef de car qui m'a dit, mon chat, je suis plus cocu du tout. Je suis quelque chose de beaucoup plus rare. Je suis azou, je suis azou. Il y a des azous dans mon quartier. Moi, je suis déjà à moitié. Un de ces jours, ça vous prendra. Ouah, des yeux, des yeux. À la société, devant payer sa dette. Devant la guillotine, j'agène, il dit, je m'en fous. Il y a déjà longtemps que j'ai perdu la tête. Je suis azou, je suis azou. Avec une mondaine de la place Pigalle, mon ami Léon a fait les 400 coups. Ça lui réussit qu'à pour ses 25 balles. Il est azou, il est azou. Il y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Et à mon tour un de ces jours, on finira par m'amener dans un asile d'aller-mais. Entre azous on s'y retrouvera. Car c'est faux ce qu'on rigolera. Quand sur les douches on chantera comme ça. Voilà tout de suite. M et Brigitte Fontaine avec les azous. La tête au carré. Mathieu Vidard. Voilà, l'émission rend hommage à Michel Serres cet après-midi alors que nous apprenions sa disparition samedi. Michel Serres qui a participé à plusieurs reprises à la Tête au Carré et nous allons donc le réentendre sur différents sujets. Le 31 août 2009, il était venu accompagné de l'astrophysicien Pierre Léna pour parler d'une série documentaire qui ressortait à l'époque. Ça s'appelait Tour du Monde, Tour du Ciel, réalisé par Robert Pansard-Besson. Et ça ressortait donc en livre DVD. L'occasion de parler avec Michel Serres d'astronomie et du lien unissant les humains au ciel. Alors Michel Serres, Robert Pansard-Besson a beaucoup fait pour la vulgarisation scientifique et donc il a été effectivement très inspiré, entre autres par votre livre Le Passage du Nord-Ouest, dans lequel vous cherchez justement le passage entre la rigueur scientifique et l'imaginaire. Ça, c'est une notion moi, que j'aime beaucoup. Oui, il y a ça, mais je cherchais aussi le passage entre les sciences historiques ou les sciences humaines ou les sciences sociales, disons, et les sciences réputées plus dures, c'est-à-dire les sciences exactes. Et en effet, le passage est très difficile, d'autant plus que l'université sépare volontiers la formation littéraire d'un côté, la formation scientifique de l'autre, par une immense bonheur qui tient d'une chance incroyable. J'ai fait mes études dans les deux endroits, c'est-à-dire le pied gauche en sciences et le pied droit dans les sciences humaines ou les lettres. Et c'est ainsi que j'ai pu rencontrer Pierre Léna et bien d'autres scientifiques avec qui je suis devenu ami et qui m'ont inspiré beaucoup dans mon travail. Pourquoi vous parlez d'hostilité, Michel Serres, face à la science? Comment se fait-il, cher ami, qu'un pays qui a fait un succès colossal, je le rappelais tout à l'heure à l'astronomie populaire de Camille Flammarion, qui a fait un succès géant et même mondial à Jules Verne comme distributeur ou évocateur des sciences, qui a fait un succès aussi important à la guerre du feu et ainsi de suite, vous voyez, comment se fait-il que ce pays qui a tant aimé les sciences, qui a produit des dizaines et des centaines de scientifiques. Dont Marie Curie est une héroïne. Et dont le corpus parlé de langue, je crois que le corpus de langue française en sciences est le premier du monde, vous voyez. Comment se fait-il que ce pays-là est aujourd'hui majoritairement anti-science et comment se fait-il que les médias sont si opposés à la distribution de la science et à son évocation, alors qu'à chaque expérience... Mais c'est ça, vous êtes contredit par... À chaque expérience, c'est le succès colossal. Astronomie dans le cas de Tour du Monde, Tour du Ciel, mais aussi Yves Coppens avec toute sa série sur la paléoanthropologie, vous voyez, colossal. Je crois que la paléoanthropologie de Coppens a dépassé même la finale France-Brésil. A dépassé en audience la finale France-Brésil de la Coupe du Monde. Vous voyez, on a été champion du monde. Mmh. Et malgré ces succès-là, nous n'arrivons pas à forcer la porte de la télévision ou des médias en général. Tout c'est à terrible. L'heure, vous me disiez hors antenne, il s'est passé cet été le décès d'un des plus grands scientifiques français. Il s'est passé le décès de mon ami Jean Dausset, qui a été prix Nobel et qui aurait dû être une des grandes vedettes, une fierté de la France. Les médias ont très très peu parlé de sa mort, alors que Michael Jackson a eu 50 pages tous les jours d'images, etc. Comment se fait-il que cet homme, qui a été un des grands sommets scientifiques du siècle et qui a sauvé en outre des centaines de milliers de malades avec son système HLA, n'est-ce pas? Comment se fait-il que ce bienfaiteur de l'humanité n'ait pas eu les honneurs qui lui étaient dus? Et puis Rodolphe est à Nantes à la question de Michel Serres. Pourquoi un pays comme la France semble-t-il coupé de la science? On peut avancer, dit Rodolphe, l'hypothèse qu'il esquissait au début. Notre enseignement à plus forte raison universitaire construit des murs infranchissables entre les disciplines et la pluridisciplinarité reste un défi. Les collaborations entre les sciences et les lettres ou les arts sont encore à inventer. Oui, le mur est infranchissable, mais ne croyez pas, cher ami et cher auditeur, que c'est l'exclusive spécialité de la France. L'université est universelle, elle fonctionne sur des schémas à peu près constants, et cette séparation est universelle. J'enseigne aux États-Unis et je me rappelle un étudiant en robotique suivait mes cours et tout d'un coup j'ai fait de la montagne avec le professeur de robotique. L'étudiant affolé est venu me voir un jour en me disant surtout ne dites pas à mon professeur que je suis votre cours. Autrement, si j'allais dans des endroits un peu sordides, ça lui serait égal. Mais que je fasse de la philosophie, alors là c'est épouvantable. Ouais. Vous voyez, donc c'est tout à fait général et c'est l'université qui, depuis, disons, la fin du 19e siècle, a fait une séparation terrible qui n'existait beaucoup moins auparavant. Voilà. Et ça, évidemment, j'ai passé toute ma vie à lutter contre ça. J'avais même écrit un livre tout exprès qui s'appelait Le Tiers Instruit, qui n'a eu, évidemment, aucun résultat. Ça reste ainsi, la pluridiscipline. Mais pourtant, la science, aujourd'hui, est en train de se transformer. Et aujourd'hui, la question de la pluridisciplinarité est de plus en plus à l'ordre du jour dans la totalité des sciences. Et c'est les sciences elles-mêmes qui le feront à cause de leurs objets. Voilà. Les objets aujourd'hui sont toujours à plusieurs entrées et il faudra des sciences de la terre et des sciences de la vie pour comprendre l'écologie et ainsi de suite. Vous voyez. Par conséquent, l'avenir est quand même à la pluridisciplinarité. À quel moment, finalement, on peut dire que l'astronomie a vraiment commencé? Qu'est-ce qui a marqué ses débuts? Est-ce que c'est l'intérêt d'abord que les hommes ont porté tout simplement au ciel et aux étoiles? Ou bien les instruments qui, comme la lunette de Galilée, ont permis d'observer le ciel? Il y a eu les instruments, certainement, mais il y a surtout les modèles, la manière d'en parler. Je crois que si vous observez un objet, vous ne savez pas en parler si vous n'avez pas le langage propre à l'appréhender. Et je crois que la grande révolution, finalement, de l'astronomie au départ, c'est les modèles mathématiques inventés par les Grecs. Mmh. Les vrais premiers modèles géométriques ont permis une astronomie, ou, c'est-à-dire des mesures, des chiffrages, des repères, etc. C'est-à-dire qu'on donne des noms aux planètes. Et voilà. Hein. Et du coup, il n'y a pas seulement la nomination, il y a aussi le fait de penser le ciel à travers un modèle mathématique rigoureux. Ouais. Et je crois que la grande révolution des Grecs, c'est-à-dire l'invention de la géométrie, a permis un nouveau départ à l'astronomie. Partout ailleurs, il y a de l'astronomie. C'est-à-dire il y a des observations, des calendriers, des comptes-temps, tout ce que vous voudrez. Mais le modèle mathématique, pour moi, est le premier qui installe l'astronomie comme science rigoureuse, voilà, comme mécanique céleste. Voilà. Alors vous allez pouvoir répondre à la question de Mario qui nous écrit par courriel. L'univers est immense, dit-il. Est-ce que vos invités peuvent donner une idée d'abord de ses dimensions? En effet, le Kidam est incapable de se représenter l'immensité d'un univers aux milliards de milliards d'étoiles. Alors, la Et question... Et tu reviendras aux Grecs après, la, oui, la pour question savoir est ce qu'ils ont pu calculer. Oui, la question est intéressante, mais elle est double. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une idée? Est-ce qu'on peut se représenter? Alors, est-ce qu'on a une idée? Oui. C'est très simple, il suffit de chiffrer en effet les milliards de milliards dont parle notre ami. Mais est-ce qu'on peut se le représenter? Alors là, non, je crois pas. Je ne crois pas que je puisse me représenter. Notre cerveau n'a pas la capacité de... Non, hein, l'intuition, tout simplement. Mm-hmm. L'intuition de la longueur. Et je crois que Pierre serait d'accord de dire aussi qu'on peut en avoir une idée mathématique, qu'on peut en avoir une idée arithmétique, mais l'intuition de cette longueur-là, voilà, mais ça dépend peut-être... De chacun. Ouais. Trinks Antoine, qui était venu dans l'émission, nous avait donné un bon moyen justement de se souvenir de la vitesse de la lumière. Il nous disait, si on fait justement un tic comme ça sur la table, la lumière a fait 7 fois le tour de la Terre. Voilà, c'est ça. Donc c'est déjà une façon de l'envisager. Hein. Mais pour vous donner l'idée, je visite un muséum d'histoire naturelle, je vois un gigantesque squelette datant du tertiaire, vous savez, de ces sauriens, etc. Et il n'y a pas d'affiche. Alors je demande au gardien de quand date cette bête-là. Et il me répond de 120 millions d'années et 6 mois. Et je lui dis, mais comment arrivez-vous à ce calcul? Oh, c'est très simple, quand j'ai été embauché au musée, dit-il, il y avait l'affiche. Et c'était il y a 6 mois. Voilà. C'est ça, c'est là où on voit que la double intuition ne marche pas, vous voyez. Il y a l'intuition sur 6 mois, évidemment, l'expérience, mais 160 millions d'années, c'est tout à fait autre chose. Alors, nos Grecs avec les mathématiques, est-ce qu'ils ont pu donner justement une idée des notions de distance à la voûte céleste? Ah oui. Est-ce qu'ils ont bien réussi là-dedans? Alors, pour la voûte céleste, peut-être pas, mais pour la dimension de la Terre, par exemple, il y a Ératosthène, il y a des définitions assez précises, et surtout, il faudrait dire aux auditeurs, bien leur expliquer que le cadran solaire n'est pas du tout une machine propre à calculer la longueur de l'heure ou les heures du jour. Parce que les heures du jour, chez les Grecs et les Romains, variaient, donc ça n'avait pas d'intérêt. Mmh. C'est déjà un observatoire astronomique. Et ça leur permettait de définir le jour où la nuit était la plus courte, les jours où, au contraire, les nuits étaient égales aux journées, etc. Donc c'était déjà un observatoire astronomique qui leur permettait, en effet, de voir des angles et de voir des longueurs. Alors vous revenez bien sûr sur Galilée, hein, début du XVIIe, qui marque évidemment un tournant, une rupture dans l'astronomie moderne. Et puis Michel Serres, vous racontez qu'au XVIIe, des jésuites vont quitter Venise pour aller en Chine. Et vous dites qu'il s'agit de la plus extraordinaire aventure de toute l'histoire de l'humanité. Alors il nous reste 2 minutes avant les instants de 15h, mais quelques mots quand même. L'ordre des jésuites avait l'habitude d'évangéliser les peuples en se soumettant à leur propre culture. Par exemple, ils ont inventé au Paraguay de rendre écrite la langue quechua. Bon. Et en Chine, l'essentiel, c'est l'astronomie. Les voilà partis, comme Ririr et Mathieu Rixi, par exemple, étaient de bons astronomes. Ils arrivent à la cour de l'empereur de Chine. L'empereur les compare avec les astronomes chinois, date d'une éclipse. Les jésuites décrivent cette éclipse et la prévoient exactement à la seconde près. L'empereur est très impressionné et il dit, soit, et bien maintenant, la Chine va devenir chrétienne. Et alors tout de suite, les jésuites qui ont obtenu un résultat pareil sur des centaines de millions d'habitants s'empressent de dire au Vatican qu'il faut faire une chose pareille, et le Vatican refuse. Et oui, il y a tout une bagarre qui dure pendant un siècle, ce qu'on appelle la querelle des rites, parce qu'il y avait des conditions pour que les Chinois deviennent chrétiens. Et là, vous vous rendez compte ce qui se serait passé si la Chine était devenue de culture chrétienne. C'est-à-dire qu'il y aurait eu pour la première fois une sorte d'union culturelle extraordinaire qui aurait formé l'Eurasie. C'était plus fort encore que l'Europe, n'est-ce pas, de faire l'Eurasie. Et là, on a raté évidemment une occasion historique extraordinaire. Et ça, c'est l'astronomie, en effet, qui avait permis une aventure pareille. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne voit pas du tout le ciel comme nos ancêtres? Il y a quand même quelque chose de très troublant. Il y a les grottes préhistoriques qui témoignent, évidemment, de l'astronomie. Vous citez, par exemple, une grotte en Sibérie où on voit les cornes de Vénus, qui sont consignées, alors qu'elles sont extrêmement difficiles à voir à l'œil nu. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'il y a beaucoup de... La manière de voir ou la perception optique diffère selon les individus. Il y a des gens qui ont une perception extraordinairement aiguë et très efficace, et d'autres au contraire qui voient beaucoup plus mal. Donc on peut imaginer que autrefois il y avait des gens qui voyaient les cornes de Vénus alors que la majorité des gens ne le voient pas. Mais il y a autre chose dans cette affaire. Vous remontez très haut, avant les Grecs ou même après les Grecs si vous voulez. Est-ce que en regardant le ciel, ils voyaient les mêmes choses que nous? Nous, on dit les cornes de Vénus, mais il est possible qu'ils ne disent pas les cornes de Vénus. C'est-à-dire que pour eux, ça ne soit pas une planète, que ça ne soit pas un objet tel qu'on le définit nous-mêmes. Je crois que l'observation, c'est extraordinaire, mais le fait de dire c'est le même objet qu'on voit pose question. Est-ce que c'est le même objet? J'ai tendance à penser que non, ce n'est pas le même objet. Et la suite de cet hommage à Michel Serres dans un instant dans La Tête au Carré. Bon après-midi sur France Inter. La Biche, c'était Kepler, Kepler. La tête au carré. Sur France Inter. Et nous retrouvons la voix du philosophe Michel Serres dans cet hommage que nous lui rendons cet après-midi dans La Tête au Carré, le 23 octobre 2014. Il était venu nous parler de la façon dont les hommes voient le monde à l'occasion de la publication d'un livre intitulé « Yeux » et publié aux éditions du Pommier. À ses côtés se trouvait la neuropsychologue Sylvie Chocron. Michel Serres, ce livre est assez inclassable. J'ai l'impression que vous avez laissé libre cours à votre pensée, à votre plaisir, à votre imagination. Vous êtes beaucoup amusé, là, ça oui, sent. Oui, je me suis amusé, mais j'ai essayé de poser un problème que pose d'ailleurs notre collègue Chocron là maintenant, c'est de savoir quel monde nous voyons. Alors il est bien d'accord que vous ne voyez pas le même monde que moi, que vous, ma chère amie, vous ne voyez pas le même monde que moi, qu'un paysan ne voit pas le même monde qu'un citadin, qu'un indien d'Amazonie ne voit pas le même monde qu'un occidental, et ainsi de suite. Mais ce sont toujours des mondes humains. Et j'ai essayé de quitter ce narcissisme primitif et d'essayer d'imaginer et de concevoir quel monde voit, je ne sais pas moi, une mouche, quel monde voit un taureau, quel monde voit un aigle, quel monde voit une colombe, un serpent, un crotale, etc. Il n'y a pas que les animaux, hein. Il n'y a pas que les animaux, bien sûr. Bon, alors du coup, c'est l'idée, mais dans quel monde vivons-nous? C'est une question philosophique assez formidable, et de dire qu'on est lié tout de même à notre perception, comme notre collègue le sait mieux que moi, et donc c'est la perception humaine. Mais il y a beaucoup d'autres animaux, beaucoup d'autres vivants qui perçoivent également ce monde-là. Dans quel monde vivons-nous et comment ce monde nous voit aussi? Et comment ce monde nous voit, hein, bien sûr. C'est ça qui est intéressant, évidemment. C'est un projet de musée imaginaire aussi, ce livre, Michel Serres? Je le souhaite d'une certaine manière, parce que ça serait très amusant d'avoir une exposition au musée où on entrerait dans le musée et au lieu de voir salle après salle des tableaux faits par, je ne sais pas moi, Van Gogh, Goya, etc., c'est-à-dire des humains, voir des tableaux qui seraient la perception de la mouche, la perception du crotale, la perception de l'aigle, et ainsi de suite. Et ça serait vraiment un musée intéressant qui nous ferait voir le monde tel que nous ne le voyons pas du tout, nous les humains. Parce qu'on peut imaginer très bien, je le répète, que l'Indien d'Amazonie ne voit pas le même monde que moi. Ça, c'est assez facile, il suffit de faire de l'énologie pour le voir. Ouais. Mais c'est un pas de plus dans la recherche de quel est ce monde dans lequel nous vivons. Je crois la question de l'œil absolu a été posée, je crois, à l'âge classique, au XVIIe siècle, de la façon suivante. Quand nous rentrons dans le studio, vous, Madame Chocron et moi, nous ne voyons pas les choses de la même manière. Je vous vois de profil, elle vous voit de notre profil, etc. Et par conséquent, il y a autant de vision que de profil, c'est-à-dire de site, de point de vue, d'où on voit quelque chose. Bon. Et les gens du XVIIe siècle ont posé la question, mais est-ce qu'on pourrait imaginer un objet vu de tous les points de vue à la fois? Et alors, la solution était très simple, c'est Dieu. Dieu qui est partout, vous savez, il est dans tous les... Puisqu'il est partout, il voit l'objet de tous les points de vue. Et par conséquent, ils appelaient ça le géométral de tous les profils. Et c'était ça, d'une certaine manière, l'œil absolu. Mais bon, ça, il faudrait croire en Dieu. Mais la seconde question qui a été posée n'a pas été posée par les philosophes, mais a été posée en racontant une histoire. Et je peux la raconter. Mais avec plaisir. Voilà. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'adultère. Le roi Dieu, Jupiter... Vous savez, dans ce monde-là, il y avait des nymphes, il y avait des naïades, etc. C'était très excitant. Et Jupiter courait un peu la gueuse. Et seulement, il était marié. Et comme il était marié avec Junon, qui était aussi puissante que lui, Junon envoyait évidemment un détective pour savoir ce qu'il faisait. Mais Jupiter était beaucoup plus puissant que ça, parce qu'il avait la possibilité de se métamorphoser. Alors, évidemment, le surveillant voyait un taureau monter une génisse, mais il ne voyait pas que c'était Jupiter métamorphosé en taureau, etc. Et c'est là que commence le livre, et la réponse à votre question. C'est que, à un moment là, Junon recrute quelqu'un qui s'appelle Panoptès. Et Panoptès, d'où est venu le mot panoptique? Panoptès, ça veut dire quelqu'un qui, non seulement a deux yeux, devant nous, que devant le visage comme nous, mais a le corps couvert d'yeux. Il a 10 000 yeux sur lui. Donc il voit partout, dans toutes les directions, dans toutes les distances, dans l'espace, mais dans le temps. C'est-à-dire pendant que la moitié des yeux dorment, l'autre moitié veille. Et à ce moment-là, quand les veilleurs se mettent à dormir, les autres se réveillent. Donc, ils voient tout le temps, dans l'espace et dans le temps. Alors, panoptès peut se traduire deux fois. Où on dit « il voit tout », et c'est l'œil absolu dont vous parlez, mais on peut dire aussi « tout voit ». Et c'est le retournement que je fais de mon livre. Exactement. Est-ce que le monde nous voit ? Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des yeux partout ? C'est ça. Et vous savez, et vous savez pourquoi ? Parce que quand Jupiter se débrouille pour faire tuer Panoptès, pour qu'il ne l'embête plus, Junon prend tous les yeux de Panoptès, et elle les prend à la main et elle les jette sur les plumes du paon. Et lorsque le paon fait la roue... Eh bien voilà, et on retombe sur nos pattes. Voilà. Hein, et lorsque le paon fait la roue, il a des ocelles. Oui. Et c'est des yeux. Voilà, et c'est en couverture de votre livre, Michel Serres. Et c'est en couverture du livre, voilà. Voilà, la boucle est bouclée. Et voilà, c'est ça, c'est le paon nous regarde. C'est ça, exactement. L'œil absolu qui nous amène jusqu'au paon. Voir et être vu, nous dit Jean-Paul sur franceinter.fr, c'est un message pour vous deux. Mais aussi voir et ne pas être vu. Pour être heureux, vivons cachés, soit regarder le monde pour le comprendre, mais échapper aussi au regard du monde pour vivre serein et apaisé, à l'inverse des réseaux sociaux aujourd'hui et de notre monde people. Oui, c'est ça. Alors évidemment, ça c'est je l'ai aussi traité dans la question, c'est-à-dire comment se cacher, évidemment, et la façon dont Jupiter se débrouille pour être caché, il se métamorphose. C'est-à-dire, il se met en taureau, lorsque le surveillant regardait un cygne se débrouiller entre les cuisses de Léda, il ne se rendait pas compte que c'était Jupiter qui était métamorphosé en cygne, vous voyez. Et lorsque la pluie d'or tombait dans le lit de Danaé, eh bien, il ne s'imaginait pas que c'est la pluie d'or. Donc, il était caché par la métamorphose, vous voyez. Pour évoquer le regard de la toile et le regard du peintre, Michel Serres, que voit-il derrière sa palette? Je vous propose d'abord, pour en parler, un extrait du film Van Gogh de Maurice Pialat. Ma robe, elle n'est pas comme ça. Cette robe, on dirait du plomb. Puis elle traîne, ça, elle traîne. Et mes mains, vous me les avez fait toutes crochues. C'est n'importe quoi, tout ce que vous avez fait. Ces couleurs vineuses, on dirait du dégueulis. Je les ai vues, vos paysages. Vous avez fait ça exprès ou quoi? Qu'est-ce que j'entends? Un petit différent pictural. D'abord, Clémentine, tu poses et tu te tais. Ce n'est pas la prérogative du modèle de discuter de son exécution. Ah bah ça, c'est le mot. Cette génération est impossible. Enfin, admirable. Admirable, c'est le mot. Ces mots rompus, ce rythme, ce fond, ces mains, ces volutes de la robe. Tu parles, elle pèse 2 tonnes. Comme une vague. Décidément, mon cher Vincent, vous permettez que je vous appelle Vincent? La peinture avec vous progresse à pas de géant. Voilà, et Michel Serres, Sylvie Chocron. Je peux répondre à votre question, parce que je raconte dans mon livre l'histoire de Monet, précisément, qui avait une vue assez difficile, n'est-ce pas, Charlie? Problème de cataracte, il avait aux deux yeux. 3/10 et 2/10 à d'œil respectif. Alors, un certain Coutelas, qui était le prince des ophtalmos à l'époque, a décidé de l'opérer. Alors, il l'a opéré. Et il lui a mis, évidemment, pendant huit jours, des pansements sur l'œil. Et au bout de 8 jours, il a enlevé les pansements et il a demandé à Monet, est-ce que vous voyez mieux? Et Monet regarde le docteur et lui dit, mon Dieu docteur, que vous êtes laid. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et dans la même idée, je me rappelle de mes amis qui s'appellent René Girard, avait été opéré de la cataracte. Et il m'a dit, après l'opération, il m'a dit, Michel, ils ont repeint le monde. Ouais. Alors Michel Serres, vous avez imaginé justement qu'un tableau puisse aussi nous voir, au fond, oui, c'est ça, hein, mais c'est-à-dire puisse nous renvoyer cette lumière. Oui, c'est-à-dire, je rêve qu'un peintre, un peintre de génie, n'est-ce pas, non seulement dise ce qu'il voit, pathologie ou normale, autant qu'on le voudra, mais fait voir des objets qui non seulement sont vus par lui, mais nous voient. Par une sorte de puissance réciproque, vous voyez. Et je fais voir dans mon livre d'abord des visages de Van Gogh où effectivement on est bouleversé d'être vu par le visage en question, mais il y a aussi quelquefois des tableaux qui projettent une telle lumière qu'on a l'impression qu'on est vu dans le musée plutôt qu'on ne voit les tableaux. Oui. Il y a cette question de Gilles sur franceinter.fr. Est-ce qu'on peut estimer le moment où est apparue la vue au cours de l'évolution? Alors, oui, c'est connu, ça. Alors, Michel Serres, vous avez une réponse à lui donner? J'ai pas une réponse précise, mais vous savez, la question a été posée à Darwin lui-même. Et ça a été une question qui a été une pierre d'achoppement dans toute la théorie de l'évolution pendant longtemps. C'est-à-dire, l'œil était un organe tellement extraordinaire qu'on se demandait s'il y avait peu à peu une chaîne qui permettait d'arriver jusqu'à lui. Et on l'a restitué, bien sûr, mais ça part de très loin, évidemment. Ça part même des choses inertes avec des phénomènes, pas seulement anatomiques, mais chimiques, biochimiques, etc. Oui, oui, on l'a reconstitué. Alors, c'est Larry qui nous dit ceci, justement, sur franceinter.fr. Un objet manufacturé, bien qu'inerte, contient-il une partie de celui qui l'a fabriqué ou de celui qui le regarde? C'est une belle question, ça. Mais bien sûr oui, mais bien sûr que oui. C'est-à-dire, il n'y a pas un objet que nous fabriquons, que ce soit vous ou moi, qui n'a pas quelque chose de nous-mêmes lorsqu'on le fabrique, bien entendu. Aristote a dit ça. Les causes finales, les causes matérielles, etc. Il le disait très bien. Il disait, et même, un objet technique est d'autant plus beau que la manière dont on la façon dont on se sert de lui correspond à la manière dont il a été construit. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est le plus parfait. Allez, la suite et la fin de cette Tête au Carré spéciale consacrée à Michel Serres. Ce sera dans un instant après The Raconteurs. Help me, stranger, The Raconteurs. La tête au carré. Et le 11 septembre 2018, Michel Serres était à nouveau au micro de l'émission pour la nouvelle édition de son ouvrage Le Contrat Naturel, sorti 30 ans plus tôt, et aux côtés de l'historienne des sciences et de l'environnement Valérie Chansigaud, Michel Serres abordait la grande question de l'environnement, quelques jours après la démission du gouvernement de Nicolas Hulot. Qu'est-ce que vous a inspiré la démission de Nicolas Hulot le 28 août dernier, Michel Serres? Je crois en effet que c'est un événement très important. Et j'en tire l'idée, peut-être un peu arbitraire et excessive, que les combats pour la nature ou les problèmes d'environnement sont moins politiques qu'économiques. Je crois que c'est l'économie qui est responsable. La politique est un peu moins responsable. D'ailleurs, tous les partis écolos de la planète ont fait beaucoup d'actions depuis quelque temps, ont abouti à des décisions politiques, et ces décisions politiques n'ont pas été suivies. Et alors, ça me donne l'idée, si vous voulez, plus ou moins, que la politique est moins importante, plus légère qu'on le croit, et que c'est les décisions économiques, d'ailleurs, toutes les causes de la destruction de la biodiversité qu'on a entendues sont visiblement plus ou moins toutes économiques. Il faut se dire les choses franchement. Au quotidien, qui j'ai pour me défendre? Est-ce que j'ai une société structurée qui descend dans la rue pour défendre la biodiversité? Est-ce que j'ai une union nationale sur un enjeu qui concerne l'avenir de l'humanité et de nos propres enfants? Est-ce que les grandes formations politiques et l'opposition sont capables à un moment ou à un autre de se hisser au-dessus de la mêlée pour se rejoindre sur l'essentiel? Est-ce que la responsabilité, c'est simplement la responsabilité du gouvernement? Est-ce que c'est simplement la mienne? Mais simplement parce que nous poursuivons des objectifs qui sont totalement contradictoires et incompatibles. La vérité, elle est celle-là. Alors nous faisons des petits pas. Mais est-ce que les petits pas suffisent à endiguer, inverser et même à s'adapter parce que nous avons basculé dans la tragédie climatique? Eh bien la réponse, elle est non. Est-ce que nous avons commencé à réduire nos émissions de gaz à effet de serre? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation des pesticides? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à enrayer l'érosion de la biodiversité? La réponse est non. Voilà, tout est dit dans ce message, Nicolas Hulot. Donc le 28 août, les petits pas, ça ne sert à rien, Michel Serres. Ça sert un peu à quelque chose, c'est souvent quelque efficacité. Mais tous les problèmes sont globaux, il n'y a aucun doute là-dessus. D'ailleurs, l'interview de tout à l'heure l'a montré, le problème est global. Et ce que je voudrais souligner à propos de la politique dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qui me travaille depuis assez longtemps. Tout à l'heure, le professeur interviewé a dit que la technoscience n'était pas suffisante. Il m'est arrivé d'être dans des réunions concernant l'environnement, en particulier par exemple au Conseil constitutionnel récemment, où il y avait une nuit du droit à l'environnement, où il y avait des politiques, des philosophes, des sociologues, etc. Il n'y avait pas un scientifique. Il n'y avait pas un scientifique. Alors je me suis protesté, etc. Mais on m'a dit, on est au courant. Oui, ça ne suffit pas. Par conséquent, il y a un problème là, peut-être de formation. Et là, vraiment, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que tous les décideurs... Les élites, problème de formation scientifique des élites. Non, tous ceux qui gouvernent, d'une certaine manière, les administrateurs, etc., n'ont que les sciences humaines comme formation. Ils n'ont pas du tout les sciences du droit. Attention, vous parlez devant une historienne, Michel. Oui, mais ça, je sais. Elle ne va pas être contente. Non, mais elle est justement, elle, tiers instruite, d'une certaine manière. C'est-à-dire, elle connaît bien les sciences exactes. Vous dites les sciences douces, d'ailleurs, pour les sciences humaines. Oui, mais il est vrai qu'autour de moi, ce jour-là, il n'y avait pas un seul scientifique. Alors, la technoscience ne suffit pas, mais la politique pure, ou le droit pur, ça ne suffit pas non plus. Le contrat social, Michel Serres, vous pouvez répondre à Valérie Gensigaud. Quelle place il a, selon vous? Ce qui est intéressant dans ce que dit Valérie, c'est une sorte de différence de vitesse. C'est-à-dire, les moyens dont nous disposons sont relativement lents. C'est-à-dire, ce qu'on propose... le problème en ce moment est absolument rapide. C'est-à-dire, les espèces disparaissent très vite et le climat s'accentue très vite et ainsi de suite. Donc, il y a une sorte de changement de vitesse entre nos moyens et la réalité. Mais alors, le contrat social, justement, est-ce qu'il a sa place dans le contrat naturel? J'avais pensé ça il y a 30 ans, de dire que, j'ai été suivi dans beaucoup de pays, il y a beaucoup de pays qui ont une législation de ce genre, de dire qu'on pourrait donner, il y a une déclaration universelle des droits de l'homme, mais de l'homme seul, comme s'il n'y avait pas de nature. Alors on pourrait évidemment élargir le contrat. Par exemple, on pourrait absolument dire qu'on imagine un procès entre le parc national des Pyrénées ou de Yellowstone et des utilisateurs abusifs, vous voyez, et que ce procès ait lieu, mais que précisément le parc en question soit sujet de droit. Voilà. Mais ce sont les arbres qui vont porter plainte alors? Il y avait, Comment ? Ce sont les arbres qui vont porter plainte ? Non, bien sûr que non, mais bien sûr, le directeur du parc peut faire ça au nom de ce... Et la législation est ouais. suivie déjà dans une dizaine de pays. Bon, la démographie, qu'on brandit souvent comme oui, étant... Oui, il y a quand même une nouveauté qu'il faut donner. Michel Serres. C'est-à-dire la croissance verticale de la démographie mondiale depuis déjà une vingtaine d'années. Vous voyez, ça a été... C'est un facteur très important dans l'alimentation, etc., lorsque je suis né, je m'excuse de parler de moi, il y avait moins de 2 milliards de personnes sur la Terre. Maintenant, il y en a 7,8, etc. Connaissez-vous une vie humaine au cours de laquelle le nombre d'habitants s'est multiplié 2 fois par 2 ? 2 fois de 4 fois de 8. Alors, je crois que tous les raisonnements que vient de dire Valérie sont bons, mais il faut quand même dire que la réalité de la... Mais je voudrais dire aussi que parmi les auteurs dont parle l'historienne, la bonne historienne qui est Valérie, il y en a un auteur français qui est très intéressant, qui s'appelle tout simplement Michelet. Michelet est un homme qui a fait toute sa vie un travail d'historien, et tout d'un coup, il a fait 4 livres d'histoire naturelle sur la mer, sur l'insecte, etc., et où les problèmes d'aujourd'hui sont déjà plus ou moins embryonnés. Patrice, un autre message nous dit « Nous sommes en état de guerre contre le réchauffement climatique. Si nous n'osons pas établir des quotas énergétiques individuels et collectifs, nous ne ferons qu'aggraver la situation. Qui aura enfin le courage d'en parler ? La multiplication des voyages à bas coût est purement scandaleuse. » Michel Serres. Oh, ce qui est intéressant. Nous sommes en guerre, ça vous le dites aussi. Hein, oui, vous j'appelle déjà ça la guerre mondiale. Ouais. D'ailleurs, le mot mondial, quand on dit une guerre, ça parle des adversaires. Et il est vrai, il y a une guerre mondiale entre l'humanité et la nature aujourd'hui. Effectivement, il faut arriver à ce que les politiques appellent aujourd'hui un pacte et ce que j'appelle le contrat. Oui, pas de doute. Allez, Julien nous dit sur franceinter.fr, quelle arme est la plus efficace pour le citoyen comme moi, lambda ? Est-ce sa carte bleue, sa carte d'électeur ou le boycott de certains produits ? Michel Serres, pour répondre à Julien alors. Tout à la fois, d'une certaine manière. Mais je crois que le boycott de certains produits serait quelquefois plus efficace. Mmh. On n'oublie pas, il faut pas oublier que quand on achète dans un supermarché, c'est presque une carte électorale, vous voyez. Vous avez un choix qui n'est pas politique évidemment, mais vous avez un choix qui touche l'environnement. Vous savez sans doute que dans un grand magasin américain, la moyenne de provenance des produits vendus est de 10 000 km. Mmh. Comment voulez-vous que ce problème de l'environnement ne soit pas posé simplement par l'existence des grands magasins ? Et par conséquent, dès que vous achetez, vous intervenez... On pose un acte, hein, très pose fort. Un acte très important. Jérôme nous dit, et j'écoute avec beaucoup d'attention votre émission, évoquant le manque de formation scientifique des décideurs, sait-on assez que les sciences de la vie et de la Terre deviennent optionnelles au lycée ? Il faut le dire et s'en offusquer, nous dit Moi, cet je auditeur. Je trouve que les sciences de la vie et de la Terre devraient être aujourd'hui les sciences leaders, les premières. Et il faudrait aussi bien enseigner à Polytechnique pour ceux qui vont s'occuper de l'économie que à l'ENA où on va s'occuper du gouvernement. Vous voyez, c'est-à-dire les sciences de la vie et de la Terre devraient aujourd'hui prendre la place des sciences qui ont le plus pollué, c'est-à-dire la physique et la chimie. Vous voyez, la physique et la chimie sont les sciences leaders depuis déjà 2 siècles pour transformer la nature. Et bon, c'est le côté infernal, c'est que on la détruit. Donc aujourd'hui, les sciences de la vie et de la Terre seraient presque pour moi, la science qu'il faudrait mettre en avant. Et Philippe qui nous dit sur franceinter.fr, est-ce qu'on pourrait pas s'inspirer de certaines espèces animales qui savent instinctivement conjuguer vie sociale et écologie Michel Serres. Mais la question revient simplement au darwinisme social dont je vous appelle tout à l'heure. C'est-à-dire appliquer une règle darwinienne aux sociétés humaines. L'histoire a montré que c'était toujours un crime, évidemment. Mmh. Oui, et que Darwin n'a jamais dit ça. Le mot écologie, vous ne l'aimez pas, Michel Serres ? Non, c'est pas le mot écologie que j'aime pas. C'est l'expression environnement. D'accord. Environnement, oui. Environnement, c'est un mot que je n'aime pas pour la raison suivante, c'est que il place toujours l'homme au centre et que la nature est alentour. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, c'est un problème de symbiose, c'est-à-dire de réciprocité. Ce mot environnement est plutôt mal connoté, vous voyez. Et dans l'écologie, c'est pas la question. La question, elle était fondée par un biologiste de renom, bien entendu, mais c'est l'expression pacte écologique. Oui, c'est ça. Vous aimez bien le pacte, mais moins l'écologie dans ce terme. Non, je veux dire par là que le terme, quand il est utilisé de façon adjective comme ça, est-ce que vous avez entendu parler d'un pacte physique, ou d'un pacte chimique, ou d'un pacte mathématique on n'a jamais entendu parler. C'est-à-dire, une science n'induit pas un droit. Voilà. Un dernier message de Jacques qui nous dit « En France, les préfets de région et de département sont à même par des textes, des lois, de mettre en application la majorité des mesures de conservation de la nature, mais ils évitent de se positionner en faveur de la nature, appliquent à minima les mesures, en confient l'application à ceux qui la dégradent ou la détruisent. C'est le problème des lobbies », nous dit Jacques. Michel Serres, c'est absolument c'est crucial, ce ça aussi. Début, c'est-à-dire que le responsable, c'est un fonctionnement aujourd'hui mondial de l'économie, aujourd'hui global, et qui est irrésistible même par rapport aux politiques. Ouais. Et la preuve, c'est que, quelle que soit la politique, les gens qui étaient au pouvoir ont détruit la nature, quel que soit leur parti. Voilà, matière à réflexion, et c'est la fin de cet hommage à Michel Serres dans La Tête au Carré. Mais attention, vous pourrez réentendre sa voix ce soir dans L'Heure Bleue de Laura Adler à 20h et mercredi matin chez Ali Rebéi dans Grand Bien Vous Fasse. Merci à Frédéric Milano qui a réalisé cette émission et qui a monté ses archives autour de la voix de Michel Serres.